الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم واجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié, et qu'il nous augmente en connaissance, et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions soient sincères par recherche de son agrément. قال المؤلف رحمه الله ومن معاصي البدن إسبال الثوب للخيلاء أي إنزال الثوب عن الكعب للفخر وهذا للرجال. L'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit parmi les péchés du corps, il y a le fait de faire en sorte que le vêtement descende en dessous des chevilles. Par vanité, c'est-à-dire laisser traîner son vêtement en dessous des chevilles, par vanité, et ce péché concerne les hommes, ne concerne pas les femmes. Asharhu anna min ma'asi al-badani tatwil al-thawb, inzal al-thawb in kana izaran aw sirwalan lil-khuyala'i ay lil-kibri ay in kana lil-fakhri. Donc explication, parmi les péchés du corps, il y a le fait d'avoir un vêtement qui soit long, en dessous des chevilles, que ce soit un pagne ou un pantalon. Que ce soit un pagne, le pagne c'est ce que l'on met autour de la taille, ou le pantalon, lorsqu'il est en dessous des chevilles. C'est un péché pour les hommes, dans le cas où c'est par orgueil, par vanité. وَيَكُونُ ذَلِكَ بِإِرْسَالِ الْإِزَالِ وَنَحْوِهِ إِلَى أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ. Donc comment cela a-t-il lieu? C'est en faisant en sorte que le vêtement descende en dessous des chevilles. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء أي لا يكرمه. لا ينظر هنا يعني لا يكرمه بل يهينه يوم القيامة. Dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie: Allah humilie, Allah rabaisse celui qui fait en sorte que son vêtement traîne par terre par vanité. فانزال الازار الى ما تحت الكعبين حرام من الكبائر إن كان للبطر وإلا كان مكروها للرجل. يعني إن لم يكن للبطر لم يكن كبرا يكون مكروها. Le fait en sorte que le vêtement, que le pagne descende en dessous des chevilles est interdit, c'est un grand péché lorsque c'est fait par orgueil. On parle pour les hommes bien sûr. Sinon, si ce n'est pas par orgueil, c'est déconseillé. وليس مكروها على النساء. Et ce n'est pas déconseillé pour les femmes de laisser leurs vêtements en dessous des chevilles, tant que ce n'est pas par orgueil, ce n'est même pas déconseillé pour elles. أما للكبر فحرام على الرجال والنساء. Par contre, si c'est par orgueil, faire en sorte que le vêtement soit en dessous des chevilles, c'est interdit pour les hommes tout comme pour les femmes. والطريقة المستحسنة شرعا للرجل أن يكون الإزار ونحوه إلى نصف الساقين. الطريقة المستحسنة. Donc la manière qui est recommandée pour l'homme, c'est que ce soit à mi-mollet. Ça, c'est la manière la plus recommandée pour les hommes. لحديث أبي داود إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقين. إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقين. En raison du hadith rapporté par Abu Daoud, dans lequel le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie qu'il convient aux croyants d'avoir son pagne qui arrive à mi-mollet. قال الشيخ رضي الله عنه القميص والإزار والسروال إلى نصف الساق. Le cheikh que Allah l'agré a dit aussi bien le qamis, la chemise longue, que l'izar, le panier, que le pantalon, al-sirwal, il convient qu'ils arrivent à mi-mollet. Hada sunnatun. Ceci est la tradition du prophète. Ar-rasulu alayhi salatu wassalam kana qamisuhu wa izaruhu ila an-nisfi. Le messager alayhi salatu wassalam, il avait son qamis, sa chemise longue et son izar, son pagne jusqu'à mi-mollet. Lakin turik al-amal bihi illa fi ba'd al-bilad. Cependant, cette habitude a été délaissée excepté dans certains pays. Yumkinu fil Yaman, an-nas hakadha izaruhum. Peut-être qu'au Yémen, les gens ont ainsi leur pagne qui arrive à mi-mollet. Subhanallah. Yanbaghi isha'atu anna hadha 'adatu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, annahu li nisf as-saq. Il convient de diffuser cela, que l'habitude du prophète alayhi salatu wa salam, c'est que aussi bien son qamis que son izar que le sirwal, il est recommandé qu'ils arrivent à mi-mollet. والإزار والسروال كذلك يعني إلى نصف الساق. والعمامة سنة. Également parmi les choses qui sont une sunna pour les hommes, c'est de mettre le turban. العمامة. ينبغي إشاعتها. Le Cheikh Ali convient de diffuser de mettre le turban. ينبغي تعميمها على الناس. Il convient que la plupart des gens mettent le turban. العمامة التي تلف على الطربوش هذه ما كانت. Donc ce que font certains, qu'ils mettaient un turbouche et autour de ça ils mettent un turban, ça n'existait pas. العمامة التي تلف على الأرض ثم توضع على الرأس هذه سنة. Donc avant, le turban il était composé à même le sol, et après il le reprenait et le posait sur sa tête. C'est ça qui est recommandé. قال المؤلف رحمه الله ومن معاصي البدن الحناء في اليدين والرجلين للرجل بلا حاجة. L'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit parmi les péchés du corps, il y a mettre du henné dans les mains et dans les pieds pour les hommes, lorsqu'il n'y a pas de nécessité. Quand il n'y a pas de nécessité de mettre le henné, c'est un péché. الشرح أن من معاصي البدن استعمال الحناء أي الخضاب به في اليدين والرجلين للرجل بلا حاجة إليه. Explication, parmi les péchés du corps, il y a le fait d'utiliser le henné, le henna, c'est-à-dire se teindre avec le henné dans les mains et dans les pieds pour les hommes, lorsqu'il n'y a pas de besoin. Ça, c'est interdit aux hommes. وَذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّشَبُّهِ بِالنِّسَاءِ. Pourquoi ? Parce que lorsque les hommes font cela, c'est une assimilation, ça revient à faire des choses qui ressemblent aux femmes. هذا التشبه محرم. Et le fait de faire des pratiques des femmes pour les hommes, c'est interdit. أما إن كان لحاجة للعلاج كأن قال له طبيب ثقة أن يفعل ذلك للتداوي فيجوز. Par contre, si c'est pour se soigner, comme si un médecin digne de confiance lui a dit de mettre du henné pour se soigner, pour guérir d'une maladie, alors si c'est un médecin digne de confiance qui lui a dit, c'est permis. أما الحناء في الشعر للشيب للرجال والنساء فيجوز ولو بلا حاجة. Par contre, se teindre les cheveux avec du henné, parce que la personne a des cheveux gris, que ce soit les hommes ou les femmes, c'est permis, c'est autorisé, même s'il n'y a pas de nécessité. وإن لم تكن متزوجة جاز لها الحناء. Même si la femme n'était pas mariée, elle peut mettre du henné. فائدة يجوز للأنثى الرسم بالحناء على اليدين على غير وجه التشبه بالكافرات والفاجرات. Avertissement, il est permis à la femme de faire des motifs avec le henné sur les mains sans que ce soit une pratique des non-musulmanes et des femmes perverses. Donc si ce n'est pas une pratique des non-musulmanes et des femmes perverses. قال المؤلف رحمه الله ومن معاصي البدن قطع الفرض بلا عذر. L'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit parmi les péchés des mains, il y a le fait de rompre une obligation, d'interrompre une obligation sans excuse. الشرح أن من معاصي البدن قطع الفرض أي الأداء والقضاء ولو كان موسعا أي ولو كان الوقت واسعا. Explication: parmi les péchés du corps, il y a le fait d'interrompre un acte d'adoration obligatoire. Parmi les péchés du corps, il y a le fait d'interrompre un acte d'adoration obligatoire. Que cet acte d'adoration obligatoire soit accompli dans son temps ou en rattrapage, dans les deux cas, il est interdit de l'interrompre. Même si la personne qui l'interrompt dit « il me reste suffisamment de temps pour le faire donc dans son temps », il est interdit de l'interrompre un acte obligatoire. « Ay walau kana al-waqtu wasi'an » فلو أحرم بصلاة الفرض مثلا ثم قطعها بلا عذر لو أحرم بصلاة الفرض مثلا ثم قطعها بلا عذر ولو كان بحيث يستطيع أن يصلي مرة ثانية ضمن الوقت لم يجوز لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. Si quelqu'un, par exemple, s'est engagé dans une prière obligatoire, par exemple, il a fait la prière de l'Asr, ou bien la prière de l'Maghrib, ou la prière de l'Asr, et il la coupe sans excuse. Il la coupe sans excuse. Même s'il se dit, je peux la faire une deuxième fois dans son temps, il y a encore suffisamment de temps. Ce n'est pas permis. Parce que Allah Ta'ala a dit dans Sourate Muhammad, وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ N'annulez pas vos œuvres. وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْفَرْضُ صَلَاةً أَوْ غَيْرَهَا كَحَجٍ وَصَوْمٍ وَاعْتِكَافٍ مَنْذُورٍ Que ce acte obligatoire soit une prière, ou autre qu'une prière, comme un pèlerinage, ou un jeûne, ou bien un artikaf qu'il a fait le vœu de faire. L'artikaf, à l'origine, il n'est pas obligatoire. Mais s'il fait le vœu de faire un artikaf, ça devient obligatoire de le faire. قال وهذا الحكم محله ما إذا كان القطع بلا عذر. Donc le jugement de l'interdiction d'interrompre une obligation lorsque c'est une interruption sans excuse. Lorsque c'est une interruption sans excuse. وأما إذا كان لعذر فلا يحرم. Par contre, s'il va interrompre une obligation pour une excuse, alors ce n'est pas interdit. S'il veut rendre une obligation pour une excuse, ce n'est pas interdit. أعطى مثالا قال فيجوز قطع الصلاة لإنقاذ غريق. Un exemple, il est permis de couper la prière, d'interrompre la prière pour aller sauver quelqu'un qui va se noyer. أو لإنقاذ طفل من الوقوع في نار أو il coupe la prière pour sauver un enfant qui va tomber dans le feu أو السقوط في مهوات أو il coupe la prière parce qu'un enfant risque de tomber de haut, de faire une chute بل يجب ذلك إن كان الغريق معصوما. Mais c'est même un devoir de l'interrompre lorsque la personne qui va se noyer est quelqu'un de respectable ou quelqu'un qui, pour, à qui, que nous devons sauver. بِحَيْثُ إِنْ لَمْ يُنْقِذْهُ يَهْلِكُ De sorte que s'il ne va pas le sauver, il va mourir. أَوْ طُفْلًا يَتَدَلَّ مِنْ شُرْفَةٍ أَوْ بِجَانِبِ نَارٍ وَكَانَ بِحَيْثُ إِنْ لَمْ يُنْقِذْهُ يَهْلِكُ Ou un enfant qui penche la tête, par exemple, d'une fenêtre ou d'un balcon, ou un enfant qui va se trouver dans le feu, qui va tomber dans le feu. De sorte que s'il ne coupe pas la prière, il va mourir. وَمِنَ الْعُذْرِ مَا لَوْ سُرِقَ ثَوْبُهُ أَوْ مَالُهُ وَمِنَ الْعُذْرِ مَا لَوْ سُرِقَ ثَوْبُهُ أَوْ مَالُهُ Parmi les excuses, c'est qu'on risque de lui voler ses vêtements ou son argent. فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ صَلَاتَهُ Donc dans ce cas, il lui est permis de couper sa prière. لِيُخَلِّصَ مَا سُرِقَ مِنْهُ Pour récupérer ce qu'on va lui voler. إِنْ لَمْ يَجِدْ طَرِيقًا غَيْرَ ذَلِكَ S'il n'y a pas d'autre moyen que cela. فَائِدَةٌ لَا يَجُوزُ قَطْعُ الْفَرْضِ سَوَاءٌ كَانَ أَدَاءً أَوْ قَضَاءً Information utile. Il n'est pas permis d'interrompre une obligation. que ce soit une obligation que l'on fait dans son temps ou en rattrapage. وَلَوْ كَانَ الْقَضَاءُ مُوَسَّعًا Même s'il a du temps pour faire la prière. كَالْقَضَاءِ الصُّبْحِ مَثَلًا Comme si c'est le rattrapage de la prière de الصُّبْح, par exemple. فَإِنِ اسْتَيْقَظَ وَقَدْ أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ فَالْقَضَاءُ لَا يَجِبُ فَوْرًا بَلْ مُوَسَّعًا S'il s'est réveillé après le lever du soleil. Donc il était excusé, il était endormi. Donc le rattrapage, il n'est pas à faire dans l'immédiat. Parce qu'il avait une excuse. Le rattrapage, il a du temps pour le faire. وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْطَعَهُ بِلَا عُذْرٍ يعني مَا أَنْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ الْقَضَاءِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ هَذِهِ الصَّلَاةِ بِلَا عُذْرٍ Malgré cela, il ne lui est pas permis d'interrompre la prière obligatoire, c'est-à-dire dès lors qu'il s'est engagé dans le rattrapage de la prière de l'Asr, il n'a pas à l'interrompre sans excuse. قال المؤلف رحمه الله وقطع نفل الحج والعمرة L'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, parmi les péchés du corps, il y a le fait d'interrompre la prière surérogatoire du pèlerinage et de la Umra. Il y a le fait d'interrompre le pèlerinage et la Umra surérogatoire. Asharhu anna min ma'asil badani allati hiya min al-kaba'ir qat'a nafl al-hajj wal-umrah وذلك لأنه بالشروع فيه يصير إتمامه واجبا فهو كفرضه نية وكفارة وغيرهما Donc parmi les péchés du corps, il y a le fait, et ça c'est un grand péché, il y a le fait de couper, d'interrompre un pèlerinage surérogatoire et une umrah surérogatoire. Pourquoi ? Parce que en s'engageant dans l'acte du pèlerinage ou de l'Umrah, même s'il sont surérogatoire, il est devenu obligatoire pour lui de les poursuivre jusqu'à la fin. Donc il a le statut du pèlerinage obligatoire et de l'Umrah obligatoire, aussi bien pour l'intention que pour l'expiation et autre que cela. فَمَنْ دَخَلَ فِي نَفْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَجَبَ أَنْ يُتِمَّهُ Celui qui s'engage dans le pèlerinage surérogatoire ou la umra surérogatoire, c'est un devoir de les poursuivre. Il n'a pas à les interrompre. هَذَا لَيْسَ كَنَفْلِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ Donc cela n'a pas le jugement du jeûne surérogatoire et de la prière surérogatoire. أَمَّا نَافِلَةُ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ فَقَطْعُهَا لَا يَحْرُمُ Par contre, l'acte surérogatoire de la prière ou du jeûne, il n'est pas interdit de les interrompre selon l'imam al-Shafi'i. يَقْطَعُ مَتَا مَشَا Selon l'imam al-Shafi'i, il peut les couper quand il veut. فَاِدَةٌ حَجُّ النَّفْلِ هُوَ مَا يَكُونُ بَعْدَ حَجَّةِ الْفَرِيضَةِ Information utile. Le pèlerinage surérogatoire, c'est le pèlerinage que la personne accomplit après avoir fait le pèlerinage obligatoire. قال المؤلف رحمه الله ومن معاصي البدن محاكاة المؤمن استهزاء به Parmi les péchés du corps, il y a le fait d'imiter un croyant pour se moquer de lui. On appelle vulgairement le fait de singer quelqu'un, imiter quelqu'un pour se moquer de lui. الشرح قال أن من معاصي البدن التي هي من الكبائر محاكاة المؤمن للاستخفاف أي تقليده في قول أو فعل أو إشارة على وجه الاستهزاء به Explication Parmi les péchés du corps qui comptent au nombre des grands péchés il y a le fait d'imiter un croyant pour se moquer de lui c'est-à-dire l'imiter dans sa manière de parler ou dans son acte ou un signe par moquerie, par rabaissement. مثلاً شخص يعرج آخر يحاكيه استهزاء به. Par exemple, quelqu'un il est boiteux. Un autre fait comme lui pour se moquer de lui. يمشي مثله ليضحك الناس عليه. هذا حرام il marche comme lui, il imite, parce qu'il boite pour faire rire les gens de lui. Ça c'est haram, ça c'est interdit. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. Dans le Coran, Allah Ta'ala dit: ô vous qui êtes croyants, ne vous moquez pas les uns des autres. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. سورة الحجرات الآية. Donc Allah Ta'ala dit ce qui signifie: ô vous qui êtes croyants, ne vous moquez pas les uns des autres. Peut-être que celui dont vous vous moquez est meilleur que vous. Et que des femmes ne se moquent pas d'autres femmes. Peut-être que celles dont elles se moquent sont meilleures qu'elles. Et ne vous donnez pas des surnoms pour vous humilier les uns les autres. Ça, ce sont des péchés. Et celui qui ne fait pas le repentir, ce sont eux les injustes. وقد قال بعض المفسرين في قوله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان من لقب أخاه وسخر به فهو فاسق. Donc les savants ont expliqué ce verset. Ils ont dit que celui qui donne un surnom à son frère et se moque de lui, c'est un grand pécheur. الواقع في معصية كبيرة إذا سماه بما لا يرضى به ويتأذى به تأذيا شديدا. C'est-à-dire, il lui donne un surnom qui lui fait beaucoup de mal, qui le blesse. Ça, c'est haram. وقد تكون المحاكاة بالضحك على كلامه إذا تخبط فيه وغلط أو على صنعته أو على قبح صورته. Donc, il se peut que le fait d'imiter le croyant peut être en se moquant de lui quand il a, dans sa manière de parler. C'est-à-dire, il fait un lapsus, l'autre il se moque de lui, ou il se trompe, ou bien il se moque de lui s'il a fait une erreur, ou s'il a une apparence qui est laide. قال المؤلف رحمه الله والتجسس على عورات الناس. L'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit: parmi les péchés du corps, il y a le fait d'espionner les gens. Le fait d'espionner les gens. الشرح أن من معاصي البدن التحسس على عورات الناس. Parmi les péchés du corps, il y a le fait de chercher les défauts des gens. التفتيش على عورات الناس أي التطلع على عوراتهم والتتبع لها. C'est-à-dire de chercher les intimités des gens et chercher les défauts des gens. العورات هي الأشياء التي لا يحب الشخص أن يطلع عليها. Les intimités des gens, ce sont les choses que les gens n'aimeraient pas qu'on en prenne connaissance. Les choses qui sont intimes. نكمل إن شاء الله في مرة أخرى قبل أن ننتهي نأخذ بعضا من الفوائد. قال الشيخ رحمه الله تعوذ التعافي فيما بينكم. Le cheikh, que Allah lui fasse miséricorde, a dit: habituez-vous à vous excuser les uns les autres. أما الحقد عما هو إساءة من أحدكم هذا ليس فيه خير. Par contre, le fait d'éprouver de l'animosité de la part de quelqu'un parce qu'il agit mal avec vous, il n'y a pas de bien en cela. لما لا تعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Le Cheikh a dit pourquoi vous n'appliquez pas le hadith du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui signifie « L'un de vous n'atteindra un degré de foi complète que s'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » L'un de vous n'atteindra un degré de foi complète que s'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. « Alaysa min husni al-khuluq al-afu amman zalamak » N'est-ce pas que parmi les formes d'excellence de comportement, il y a le fait de pardonner à celui qui a été injuste envers toi, et d'agir en bien au lieu de répondre par du mal, tu lui donnes le conseil et inshallah il y aura du bien. وقال الشيخ روى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. Et notre cheikh, que Allah lui fasse miséricorde, a dit, Al-Bayhaqi a rapporté que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie: je suis garant d'une résidence en bordure du paradis pour celui qui délaisse le débat inutile, même s'il avait raison. أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضامن وكافل بيتا في طرف الجنة لمن ترك المراء وهو الجدال الذي لا يعود لمصلحة دينية. الجدال الذي لا يعود لمصلحة دينية أي لا يراد به إحقاق حق ولا إبطال باطل. C'est-à-dire que le messager, alayhi salatu wassalam, il est garant d'une résidence en bordure du paradis pour celui qui a délaissé le débat inutile. Qu'est-ce que le débat inutile? C'est-à-dire le débat qui ne revient pas, qui ne va pas amener un intérêt religieux. C'est un débat par lequel on ne cherche pas à prouver le vrai ni à prouver l'infondé de quelque chose de faux. وقال الشيخ رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه وفي لفظ آخر إن الله يحب الرفق في الأمر كله. Et notre cheikh, que Allah lui fasse miséricorde, a dit, le messager de Allah صلى الله عليه وسلم a dit ce qui signifie: la douceur n'intervient pas dans une chose sans qu'elle ne l'embellisse. La douceur n'intervient pas dans une chose sans qu'elle ne l'embellisse. Et dans une autre version, le prophète a dit ce qui signifie: Allah agrée la douceur en toute chose. Allah agrée la douceur en toute chose. في التعليم في معاملة الناس في كل شيء الرفق مطلوب. Que ce soit lors de l'enseignement, que ce soit lorsqu'on interagit avec les gens, en toute chose, la douceur est requise. Al-akhdu bi tariq al-hikmati fil amri wan-nahyi. C'est-à-dire faire preuve de sagesse quand on veut ordonner quelque chose ou interdire quelque chose. Wa qala radiyallahu anhu al-mu'minu mir'atu akhihi. Et le cheikh, que Allah lui fasse miséricorde, a dit: le croyant est comme un miroir de son frère. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه. حديث أخرجه الترمذي. Le messager de Allah صلى الله عليه وسلم a dit ce qui signifie: le croyant, il est comme un miroir de son frère. معناه ينصحه المرآة أليس تكشف ما يكون في وجه الإنسان مما لا يعجب ليزال. C'est-à-dire que le croyant, il conseille son frère, il donne le conseil à son frère. N'est-ce pas que le miroir, il dévoile ce qu'il y a sur le visage quand on se regarde dans un miroir, s'il y a quelque chose qui n'est pas belle, on enlève. الرسول شبه المؤمن بالمرآة. Le croyant, le prophète a comparé le croyant au miroir. معناه المؤمن يدل أخاه لإزالة ما فيه من الأمر القبيح. C'est-à-dire que le croyant, il indique à son frère pour lui montrer ce qu'il y a comme mauvaise chose. يقول له اترك هذا الفعل. Il lui dit, abandonne cet acte. لا يتركه على ما هو عليه. Il ne le laisse pas sur la mauvaise chose qu'il est en train de faire. بل يبين له. Il lui indique. والنصيحة هي أن يعين الرجل أخاه على ما يرضي الله. Le conseil, c'est que l'homme aide son frère pour ce qui fait gagner l'agrément de Dieu. ويبتعد عما يسخط الله. Et il le fait éloigner de ce qui fait mériter le châtiment de Allah. فمن عمل بهذا فهو من المفلحين. Celui qui agit conformément à cela, il fait partie de ceux qui vont réussir. ومن لم يعمل فهو من الخاسرين. Et celui qui n'agit pas conformément à cela, il fait partie des perdants. والله تعالى أعلم وأحكم وبارك الله فيكم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم.